y'a pas de PD dans ma troupe. On déambule, marche en groupe, aucune groupie. Si l'avenir c'est la guerre, je suis la groupie. Je rentre dans le circuit, faut que le son baisse ou circule. Si j'ai mis ma bite, faut que les buts gesticulent. On dit que la roue tourne souvent, le fils respire. Donc je me retourne, je fais face au vent. Les bruits de flingue obsèdent bien nos pensées. Les balles traînent, freinent depuis que j'ai dit tout défoncé. Constamment j'ai la rage, force est de faire le mal en boucle. Les nerfs chauds, pourtant je suis cool, j'essaie de tourner la page. Loin des barges, et je crois bien que je suis pas fêlé. Les clans sont divisés, à toi de choisir, faut pas t'en mêler. On met les pendules, à l'heure sonne. Si j'arrive à toucher la gloire, il restera personne. Yo, yo, yo. Si j'arrive à toucher la gloire, il restera personne. Lève ton poing en l'air, si toi aussi t'es pas le bienvenu. Et dis au chrome que je baisserai toutes les putes à ma venue. C'est chaud comme quand t'es en sursis. Et que tu fuck un fils de pute parce que la suie a des soucis. C'est chaud comme quand je dis là tout bas. Un vrai négro, pas un tout bas, un pur sauvage, origine pas en bas. Chaud comme la vraie chaud. J'suis à l'aise, chaud, chaud, chaud, chaud, chaud. On m'a trop balèze. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'il y a quelque chose de mauvais qui est en moi. Et il faut que je le fasse sortir.